Ah oui, fis-je, me rappelant ces paroles d'avant son histoire. Le dénouement qui devait vous faire connaître la sensation de la peur, capitaine. Précisément, répondit-il d'un ton plus grave, et qui tranchait sur le ton léger que j'affectais. Vous l'avez vu, n'est-ce pas, depuis ma main prise sous la table jusqu'au moment où elle surgit la nuit, comme une apparition dans le cadre de ma porte ouverte. Albert ne m'avait pas marchandé l'émotion. Elle m'avait fait passer dans l'âme plus d'un genre de frisson, plus d'un genre de terreur. Mais ce n'avait été encore que l'impression des balles qui sifflent autour de vous, et des boulets dont on sent le vent. On frissonne, mais on va toujours. Eh bien, ce ne fut plus cela. Ce fut de la peur complète, de la vraie peur, et non plus pour Albert, mais pour moi, et pour moi tout seul. Ce que j'éprouvais, ce fut positivement cette sensation qui doit rendre le cœur aussi pâle que la face. Et ce fut cette panique qui fait prendre la fuite à des régiments tout entiers. Moi qui vous parle, j'ai vu fuir tout Chamborant, bride abattue et ventre à terre, l'héroïque Chamborant, emportant dans son flot épouvanté son colonel et ses officiers. Mais à cette époque, je n'avais encore rien vu, et j'appris ce que je croyais impossible. Écoutez donc, c'était une nuit. Avec la vie que nous menions, ce ne pouvait être qu'une nuit, une longue nuit d'hiver. Je ne dirais pas une de nos plus tranquilles. Elles étaient toutes tranquilles, nos nuits. Elle l'était devenue à force d'être heureuse. Nous dormions sur ce canon chargé. Nous n'avions pas la moindre inquiétude en faisant l'amour sur cette lame de sabre posée en travers d'un abîme, comme le pont de l'enfer des Turcs. Albert était venu plus tôt qu'à l'ordinaire pour être plus longtemps. Quand elle venait ainsi, ma première caresse, mon premier mouvement d'amour, était pour ses pieds qui n'avaient plus alors ses brodequins verts ou hortensia, ses deux coquetteries et mes deux délices, et qui n'eut, pour ne pas faire de bruit, m'arrivait transi de froid des briques sur lesquelles elle avait marché, le long du corridor, qui menait de la chambre de ses parents à ma chambre, placée à l'autre bout de la maison. Je les réchauffais, ces pieds glacés pour moi, qui peut-être ramassaient, pour moi, en sortant d'un lit chaud, quelque horrible maladie de poitrine. Je savais le moyen de les tiédir, et d'y mettre du rose ou du vermillon, à six pieds pâles et froids, mais cette nuit-là, mon moyen manqua. Ma bouche fut impuissante à attirer sur ce coup de pied cambré et charmant la plaque de sang que j'aimais souvent à y mettre, comme une rosette ponceau. Albert, cette nuit-là, était plus silencieusement amoureuse que jamais. Ses étreintes avaient cette langueur et cette force, qui étaient pour moi un langage, et un langage si expressif que si je lui parlais toujours, moi, si je lui disais toutes mes démences et toutes mes ivresses, je ne lui demandais plus de me répondre et de me parler. À ses étreintes, je l'entendais. Tout à coup, je ne l'entendis plus. Ses bras cessèrent de me presser sur son cœur, et je crus à une de ses pamoisons, comme elle en avait souvent, quoique ordinairement elle garda, en ses pamoisons, la force crispée de l'étreinte. Nous ne sommes pas des beagles entre nous. Nous sommes deux hommes, et nous pouvons nous parler comme deux hommes. J'avais l'expérience des spasmes voluptueux d'Albert, et quand il la prenait, il n'interrompait pas mes caresses. Je restais comme j'étais, sur son cœur, attendant qu'elle revînt à la vie consciente, dans l'orgueilleuse certitude qu'elle reprendrait ses sens sous les miens et que la foudre qui l'avait frappée la ressusciterait en la refrappant. Mais mon expérience fut trompée. Je la regardais comme elle était, liée à moi, sur le canapé bleu, et puis en le moment où ses yeux, disparus sous ses larges paupières, me remontreraient leurs beaux orbes de velours noir et de feu, ou ses dents, qui se serraient et grinçaient à briser leur émail au moindre baiser appliqué brusquement sur son cou et traîné longuement sur ses épaules, laisseraient en s'entr'ouvrant passer son souffle. Mais ni les yeux ne revinrent, ni les dents ne se desserrèrent. Le froid des pieds d'Albert était monté jusque dans ses lèvres et sous les miennes. Quand je sentis cet horrible froid, je me dressai à mi-corps pour mieux la regarder. Je m'arrachai en sursaut de ses bras, dont l'un tomba sur elle, et l'autre pendit à terre du canapé sur lequel elle était couchée. Effaré, mais lucide encore, je lui mis la main sur le cœur. Il n'y avait rien, rien au pouls, rien aux tempes, rien aux artères, carotides, rien nulle part. Que la mort qui était partout, et déjà avec son épouvantable rigidité. J'étais sûr de la mort, et je ne voulais pas y croire. La tête humaine a de ses volontés stupides, contre la clarté même de l'évidence et du destin. Albert était morte. De quoi ? Je le savais, je n'étais pas médecin. Mais elle était morte, et quoique je visse avec la clarté du jour de midi que ce que je pourrais faire était inutile, je fis pourtant tout ce qui me semblait si désespérément inutile. dans mon néant absolu de tout, de connaissances, d'instruments, de ressources, je lui vidai sur le front tous les flacons de ma toilette. Je lui frappai résolument dans les mains, au risque d'éveiller le bruit dans cette maison où le moindre bruit nous faisait trembler. J'avais ouï dire à un de mes oncles, chef d'escadron au 4e dragon, qu'il avait un jour sauvé un de ses amis d'une apoplexie en le saignant vite avec une de ces flammes dont on se sert pour saigner les chevaux. J'avais des armes plein ma chambre. Je pris un poignard et j'en labourai le bras d'Albert à la saignée. Je massacrai ce bras splendide d'où le sang ne coula même pas. Quelques gouttes s'y coagulèrent. Il était figé. Ni baiser, ni succion, ni morsure ne purent galvaniser ce cadavre raidi, devenu cadavre sous mes lèvres. Ne sachant plus ce que je faisais, je finis par m'étendre dessus. Le moyen qu'emploient, disent les vieilles histoires, les thaumaturges ressusciteurs, n'espérant pas y réchauffer la vie, mais agissant comme si je l'espérais. Et ce fut sur ce corps glacé qu'une idée, qui ne s'était pas dégagée du chaos, dans lequel la bouleversante mort subite d'Albert m'avait jeté, m'apparut nettement, et que j'eus peur. Oh, mais une peur immense! Albert était morte chez moi, et sa mort disait tout. Qu'allais-je devenir? Que fallait-il faire? À cette pensée, je sentis la main physique de cette peur hideuse, dans mes cheveux qui devinrent des aiguilles. Ma colonne vertébrale se fondit en une fange glacée, et je voulus lutter, mais en vain, contre cette déshonorante sensation. Je me dis qu'il fallait avoir du sang-froid, que j'étais un homme après tout, que j'étais militaire. Je me mis la tête dans mes mains, et quand le cerveau me tournait dans le crâne, je m'efforçais de raisonner la situation horrible dans laquelle j'étais pris, et d'arrêter pour les fixer et les examiner toutes les idées qui me fouettaient le cerveau, comme une toupie cruelle, et qui toutes allaient, à chaque tour, se heurter à ce cadavre qui était chez moi, à ce corps inanimé d'Albert qui ne pouvait plus regagner sa chambre, et que sa mère devait retrouver le lendemain dans la chambre de l'officier, morte et déshonorée. L'idée de cette mère à laquelle j'avais peut-être tué sa fille en la déshonorant me pesait plus sur le cœur que le cadavre même d'Albert. On ne pouvait pas cacher la mort, mais le déshonneur, prouvé par le cadavre chez moi, n'y avait-il pas moyen de le cacher? C'était la difficulté, c'était la question que je me faisais, le point fixe que je regardais dans ma tête. Difficulté grandissant à mesure que je la regardais, et qui prenait les proportions d'une impossibilité absolue, hallucination effroyable. Par moments, le cadavre d'Albert me semblait emplir toute ma chambre, et ne pouvait plus en sortir. Ah, si la sienne n'avait pas été placée derrière l'appartement de ses parents, je l'aurais à tout risque reporté dans son lit. Mais pouvais-je faire, moi, avec son corps mort dans mes bras, ce qu'elle faisait, elle, déjà, si imprudemment vivante, et m'aventurer ainsi à traverser une chambre que je ne connaissais pas, où je n'étais jamais entré, et où reposaient, endormis du sommeil léger, des vieillards, le père et la mère de la malheureuse? Et cependant, l'état de ma tête était tel, la peur du lendemain et de ce cadavre chez moi, me galopait avec tant de furie, que ce fut cette idée, cette témérité, cette folie de reporter Albert chez elle qui s'empara de moi, comme l'unique moyen de sauver l'honneur de la pauvre fille, et de m'épargner la honte des reproches du père et de la mère, de me tirer enfin de cette ignominie. Le croirez-vous? J'ai peine à le croire moi-même quand j'y pense. J'eus la force de prendre le cadavre d'Albert, et le soulevant par les bras, de le charger sur mes épaules. Horrible chape, plus lourde, allez, que celle des damnés dans l'enfer du Dante. Il faut l'avoir portée comme moi, cette chape d'une chair qui me faisait bouillonner le sang de désir, il n'y avait qu'une heure, et qui maintenant me transissait. Il faut l'avoir portée pour bien savoir ce que c'était. J'ouvris ma porte, ainsi chargée, et pieds nus comme elle. Pour faire moins de bruit, je m'enfonçai dans le corridor, qui conduisait à la chambre de ses parents, et dont la porte était au fond, m'arrêtant à chaque pas sur mes jambes défaillantes, pour écouter le silence de la maison, dans la nuit que je n'entendais plus, à cause des battements de mon cœur. Ce fut long, rien ne bougeait. Un pas suivait un pas. Seulement, quand j'arrivais tout contre la terrible porte de la chambre de ses parents, qu'il me fallait franchir et qu'elle n'avait pas, en venant entièrement fermée pour la retrouver entr'ouverte au retour, et que j'entendis les deux respirations longues et tranquilles de ces deux pauvres vieux, qui dormaient dans toute la confiance de la vie, je n'osais plus passer ce seuil noir et béant dans les ténèbres. Je reculais, je m'enfuis presque avec mon fardeau. Je rentrais chez moi, de plus en plus épouvanté. Je replaçai le corps d'Albert sur le canapé, et je recommençai accroupi sur les genoux auprès d'elle les suppliciantes questions. Que faire? que devenir? Dans l'écroulement qui se faisait en moi, l'idée insensée et atroce de jeter le corps de cette jeune fille, ma maîtresse de 6 mois, par la fenêtre, me sillonna l'esprit. Méprisez-moi. J'ouvris la fenêtre, j'écartai le rideau que vous voyez là, et je regardai dans le trou d'ombre au fond duquel était la rue, car il faisait très sombre cette nuit-là. On ne voyait point le pavé. On croira à un suicide, pensais-je. Et je repris Alberte et je la soulevai. Mais voilà qu'un éclair de bon sens croisa la folie. D'où se sera-t-elle tuée? D'où sera-t-elle tombée si on la trouve sous ma fenêtre demain? Me demandai-je. L'impossibilité de ce que je voulais faire me souffleta. J'allai refermer la fenêtre, qui grinça dans son espagnolette. Je retirai le rideau de la fenêtre, plus mort que vif de tous les bruits que je faisais. D'ailleurs, par la fenêtre, sur l'escalier, dans le corridor, partout où je pouvais laisser ou jeter le cadavre, éternellement accusateur, la profanation était inutile. L'examen du cadavre révélera tout, et l'œil d'une mère, si cruellement averti, verrait tout ce que le médecin ou le juge voudrait lui cacher. Ce que j'éprouvais était insupportable, et l'idée d'en finir d'un coup de pistolet, en l'état lâche de mon âme, démoralisée, un mot de l'empereur que plus tard j'ai compris, me traversa en regardant luire mes armes contre le mur de ma chambre. Mais que voulez-vous? Je serai franc, j'avais 17 ans, et j'aimais mon épée. C'est par goût et sentiment de race que j'étais soldat. Je n'avais jamais vu le feu, et je voulais le voir. J'avais l'ambition militaire. Au régiment, nous plaisantions, de Werther, un héros du temps, qui nous faisait pitié à nous autres officiers. La pensée qui m'empêcha de me soustraire en me tuant, à l'ignoble peur qui me tenait toujours, me conduisit à une autre, qui me parut le salut même dans la passe où je me tordais. Si j'allais trouver le colonel, me dis-je, le colonel c'est la paternité militaire, et je m'habillai comme on s'habille quand bat l'arrêt général dans une surprise. Je pris mes pistolets par une précaution de soldat, qui savait ce qui pouvait arriver. J'embrassai une dernière fois, avec le sentiment qu'on a 17 ans, et on est toujours sentimental à 17 ans, la bouche muette, et qu'il l'avait été toujours, de cette belle Alberte trépassée, et qui me comblait depuis 6 mois de ses plus énivrantes faveurs. Je descendis sur la pointe des pieds l'escalier de cette maison, où je laissai la mort. Haletant comme un homme qui se sauve, je mis 1 heure, il me sembla que j'y mettais 1 heure, à déverrouiller la porte de la rue, et à tourner la grosse clé dans son énorme serrure, et après l'avoir refermée avec les précautions d'un voleur, je m'encourus comme un fuyard chez mon colonel. J'y sonnai comme au feu, j'y retentis comme une trompette, comme si l'ennemi avait été en train d'enlever le drapeau du régiment. Je renversai tout jusqu'à l'ordonnance qui voulut s'opposer à ce que j'entrasse à par ailleurs dans la chambre de son maître, et une fois le colonel réveillé par la tempête du bruit que je faisais, je lui dis tout. Je me confessais d'un trait et à fond, rapidement et crânement, car les moments pressaient, le suppliant de me sauver. C'était un homme que le colonel. Il vit d'un coup d'œil l'horrible gouffre dans lequel je me débattais. Il eut pitié du plus jeune de ses enfants, comme il m'appela, et je crois que j'étais alors assez dans un état à faire pitié. Il me dit, avec le juron le plus français, qu'il fallait commencer par décamper, immédiatement de la ville, et qu'il se chargerait de tout, qu'il verrait les parents dès que je serais parti, mais qu'il fallait partir, prendre la diligence, qui allait relayer dans 10 minutes à l'hôtel de la poste, gagner une ville qu'il me désigna et où il m'écrirait. Il me donna de l'argent, car j'avais oublié d'en prendre, m'appliqua cordialement sur les joues les vieilles moustaches grises, et 10 minutes après cette entrevue, je grimpais, il n'y avait plus que cette place, sur l'impériale de la diligence, qui faisait le même service que celle où nous sommes actuellement, et je passais au galop sous la fenêtre, je vous demande quel regard j'y jetais, de la funèbre chambre où j'avais laissé Alberte morte, et qui était éclairée comme elle l'est ce soir. Le vicomte de Brassard s'arrêta, sa voix un peu brisée. Je ne songeais plus à plaisanter. Le silence ne fut pas long entre nous, et après lui dis-je, « Eh bien voilà, répondit-il, il n'y a pas d'après. C'est cela qui a bien longtemps tourmenté ma curiosité exaspérée. » Je suivis aveuglément les instructions du colonel. J'attendis avec impatience une lettre qui m'apprendrait ce qu'il avait fait et ce qui était arrivé après mon départ. J'attendis environ 1 mois, mais au bout de 2 mois, ce ne fut pas une lettre que je reçus du colonel, qui n'écrivait guère qu'avec son sabre sur la figure de l'ennemi. Ce fut l'ordre d'un changement de corps. Il m'était ordonné de rejoindre le 35e qui allait entrer en campagne, et il fallait que sous 24 heures je fusse arrivé au nouveau corps auquel j'appartenais. Les immenses distractions d'une campagne et de la première, les batailles auxquelles j'assistais, les fatigues et aussi les aventures de femmes que je mis par-dessus celles-ci, me firent négliger d'écrire au colonel et me détournèrent du souvenir cruel de l'histoire d'Albert sans pouvoir pourtant l'effacer. Je l'ai gardé comme une balle qu'on ne peut extraire. Je me disais qu'un jour ou l'autre, je rencontrerais le colonel, qui me mettrait enfin au courant de ce que je désirais savoir. Mais le colonel se fit tuer à la tête de son régiment, à Leipzig. Louis de Meux s'était aussi fait tuer un mois auparavant. « C'est assez méprisable, cela, » ajouta le capitaine. « Mais tout s'assoupit dans l'âme la plus robuste, et peut-être parce qu'elle est la plus robuste. » La curiosité dévorante de savoir ce qui s'était passé après mon départ finit par me laisser tranquille. J'aurais pu depuis bien des années, échanger comme j'étais, revenir sans être reconnu dans cette petite ville-ci, et m'informer du moins de ce qu'on savait, de ce qui y avait filtré, de ma tragique aventure. Mais quelque chose qui n'est pas certes le respect de l'opinion, dont je me suis moqué toute ma vie, quelque chose qui ressemblait à cette peur, que je ne voulais pas sentir une seconde fois, m'en a toujours empêché. Il se tut encore, ce dandy qui m'avait raconté, sans le moindre dandisme, une histoire d'une si triste réalité. Je rêvais sous l'impression de cette histoire, et je comprenais que ce brillant vicomte de Brassard, la fleur non des pois mais des plus fiers pavots rouges du dandisme, le buveur grandiose de claret, à la manière anglaise, fut comme un autre, un homme plus profond qu'il ne paraissait. Le mot me revenait qu'il m'avait dit en commençant sur la tache noire, qui pendant toute sa vie avait meurtri ses plaisirs de mauvais sujets, quand tout à coup, pour m'étonner davantage encore, il me saisit le bras brusquement. « Tenez, me dit-il, voyez au rideau. » L'ombre svelte d'une taille de femme venait d'y passer, en s'y dessinant. « L'ombre d'Albert, » fit le capitaine. « Le hasard est par trop moqueur ce soir, » ajouta-t-il avec amertume. Le rideau avait déjà repris son carré vide, rouge et lumineux. Mais le charron, qui, pendant que le vicomte parlait, avait travaillé à son écrou, venait de terminer sa besogne. Les chevaux de relais étaient prêts et piaffaient, se sabotant de feu. Au conducteur de la voiture, bonnet d'astrakhan aux oreilles, registre aux dents, prit les longes et s'enleva. Et une fois hissé sur sa banquette d'impérial, cria, de sa voix claire, le mot du commandement dans la nuit. « Roulez !» Et nous roulâmes, et nous eûmes bientôt dépassé la mystérieuse fenêtre, que je vois toujours dans mes rêves, avec son rideau cramoisi.